Merci à vous. Je salue ce séminaire qui, dont le fonctionnement me paraît tout à fait original. Je vous prie de m'excuser concernant le calibrage de mon propos, car j'ai eu des difficultés en fait à imaginer un petit peu ce que serait le public. Je suis médiéviste, je vais m'adresser essentiellement à un public qui ne travaille pas sur cette période. Il y en a d'autres. Il y a certes quelques doctorants qui le font. Le public est composé à la fois de personnes dont, pour lesquelles le Moyen-Âge est un petit peu loin, et au contraire, d'autres qui sont extrêmement qualifiés sur cette question, et notamment sur des points que j'aborderai de manière un petit peu rapide, comme l'archéologie. Donc, j'ai eu du mal à trouver un juste milieu. Ma présentation va rester générale, sous forme de bilan, en effet. J'ai eu l'occasion d'aborder récemment, ici même, des questions beaucoup plus... Plus particulière autour de la fonction de capitale de Marseille, qu'elle ne semble jamais avoir exercée au Moyen-Âge. On conclura un petit peu sur cette question-là, comme si mon intervention d'aujourd'hui était une introduction à celle qui a déjà eu lieu. Alors la période considérée, ce seront les 10e et 15e siècles. C'est un petit peu arbitraire comme choix. Ça recoupe en fait l'émergence de l'écrit. Puisque je suis plutôt spécialiste des sources écrites que de l'archéologie, mais il faut savoir que l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge sont un des pôles de renouvellement considérable de la recherche pour ces dernières années à propos de Marseille, de l'agglomération même, éventuellement, de son territoire. Alors, pour Marseille, on a évoqué une spécificité de la ville. On peut partir de là, effectivement, par rapport aux autres agglomérations de Provence. Je garderai assez souvent cette échelle-là. Les trois Provences au sens, au sens ecclésiastique du terme, c'est-à-dire les trois provinces ecclésiastiques d'Aix, Arles et Embrun, ça ne recoupe pas forcément le cadre politique pour la période qui nous est impartie. Alors, spécificité, d'abord l'anciennement du peuplement et l'origine antique de la ville, ce qui se caractérise par une présence monumentale qui est toutefois limitée par rapport à Arles, par exemple. C'est une nette différence, semble-t-il. On assiste à Marseille, de plus, par rapport à la trame urbaine antique, à des formes de développement urbain qui opère sous la forme de colonisation, de recolonisation du périmètre antique. Pour ce qui est du plan médiéval de Marseille, alors peut-être on peut commencer par là, voilà, pour avoir une vue d'ensemble, mais je reviendrai plus précisément sur cette carte. Pour ce qui est du plan médiéval de Marseille, on n'a pas affaire à des phénomènes de croissance sous forme concentrique ou avec des noyaux divers et occupant des espaces à la fois centraux et périphériques, voire de dédoublements de pôles. On a plutôt affaire à une permanence d'un périmètre général issu de l'Antiquité au sein duquel s'opère la croissance urbaine sous la forme d'une reconquête, en particulier dès le XIe siècle et le début du XIIe siècle, dans cette zone-là, où à partir des deux pôles autour du château Babon et de la cathédrale, et puis la colline de Roquebarbe et les parties basses, autour de deux pôles plus peuplés que les autres, donc, mais interne au périmètre de la ville antique, s'est opérée cette reconquête au fond du centre, enfin ce qui va même devenir, à partir du début du XIIIe siècle, le cœur politique, le centre politique de la ville de Marseille. On a plus précisément, au regard du monument antique, ou du moins ce qu'il en reste, des phénomènes aussi de colonisation, du bâti antique, en particulier dans la, de ce qui était dans l'Antiquité la porte d'Italie, où prolifère, si j'ose dire, le palais vicomtal, le palais du Tolonnais, selon un modèle qui est tout à fait comparable à celui d'Aix, hein, autour d'une porte antique et de nécropole, d'éléments de nécropole, qui seront les bases du palais comtal aixois. Un héritage institutionnel, ensuite, la présence du siège épiscopal, bien sûr, la fondation, l'établissement monastique de Saint-Victor, qui demeure à l'extérieur de l'agglomération, qui est une fondation périurbaine, qui est tout ce qui reste d'une ceinture de basiliques tardo-antiques qui se situait donc à la périphérie immédiate de la ville antique, la basilique de Maraval, de la rue Maraval, qui a défrayé la chronique il y a quelques années déjà, qui est une fouille exceptionnelle, l'atteste. Fondation de Saint-Victor, qu'une histoire linéaire a présentée comme une fondation de l'Antiquité tardive, qui aurait, avec des hauts et des bas, qui se serait perpétuée jusqu'à une restauration au XIe siècle. En fait, aujourd'hui, on présente plutôt une histoire sous une forme très discontinue, qu'il s'agisse de l'occupation de la zone, alors là, c'est le travail des archéologues, et de la monumentalité, ensuite, hein, et de l'existence, enfin, d'une communauté monastique à Saint-Victor même, sous quelle forme? En fait, elle n'est réellement attestée sous la forme d'une communauté bénédictine qu'après le Xe siècle, qu'après la refondation du Xe siècle et puis son fort développement au XIe siècle. Donc là, on a eu une relecture de toute la mythologie de la fondation de Saint-Victor par Saint Cassien au Ve siècle, qui, je vous le signale au passage, figure toujours sur le panneau explicatif qui est présent devant l'abbaye. Hein. Donc on est toujours dans le discours, plutôt que dans un discours un petit peu mythe des origines, plutôt que dans l'histoire. Des limites diocésaines enserrées donc dans la métropole, la métropole arlésienne, peut-être un héritage de l'Antiquité, des rivalités de cité. Je n'aborderai pas ce point, ça nous entraînerait trop loin. Mais la question de Marseille en tant que capitale ecclésiastique peut être posée, hein, et son échec, hein, dans l'Antiquité tardive face à Arles. Toutefois, malgré cet héritage ancien considérable, hein, Marseille, en tant que communauté politique, n'opère pas au Moyen Âge les tentatives de reconquête de cette mémoire, de revendication d'un passé antique dans la mémoire politique, comme c'est le cas à Arles. Je ne prendrai que l'exemple de la mémoire, disons, ecclésiastique, si on se réfère au cartulaire de l'archevêque d'Arles, les divers cartulaires de l'archevêque d'Arles composés entre la fin du XIIe siècle et le courant du XIIIe siècle, eh bien, ils débutent par des documents du Ve siècle qui sont autant de revendications de la place du siège métropolitain d'Arles. En revanche, pour Marseille, ce n'est pas du tout le cas. La mémoire est beaucoup plus récente. Le cartulaire dit livre jaune du chapitre cathédral, par exemple, ou bien ce qu'on peut retrouver dans les chartriers de l'évêché, le montre. C'est un cas de figure tout à fait différent. Deuxième élément dans cette spécificité, un certain isolement. Une ville qui est déjà tournée vers l'extérieur. C'est vraiment une constante, même si elle mérite de nombreuses nuances. La fonction de débouché méditerranéen, hein, Marseille, c'est la première reste, comme dans l'Antiquité, la première calanque à gauche en sortant du Rhône. Hein, donc ça, c'est une fonction qui a été très valorisée. Encore au VIe et au VIIe siècle, et même au-delà, cette activité économique et cette fonction se perçoivent. même si on a des phénomènes de concurrence avec Arles et Fos, par exemple au regard des zones de perception de droit ou de ton-lieu à l'époque mérovingienne. Bon, on pourrait multiplier les exemples et en tirer à partir de l'archéologie aussi. Spécificité au regard du politique et des institutions, Marseille a connu une phase d'affirmation communale qui pointe dans la deuxième moitié du XIIe siècle, mais on ne peut véritablement parler de commune structurée que dans les premières années du XIIIe siècle. Donc, en lien avec l'émergence, le développement de sa fonction commerciale, que l'on a quelquefois lié précocement aux croisades, mais bon, cette fonction-là, elle est surtout perceptible à l'extrême fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, et pas forcément dans les premières années du XIIe. Une phase d'affirmation communale qui rappelle par bien des aspects ce qui peut se passer en Italie, dans la péninsule italienne. Mais ici, le modèle est très vite à nuancer. Hein. Marseille reste au regard, si on prend comme point si on la juge à l'aune de ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Italie du Nord, dans l'Italie padane, etc., ou bien en Ligurie, Marseille se caractérise par la faiblesse de son poids démographique hein, pour l'agglomération elle-même et son territoire immédiat. À la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, on a risqué quelques hypothèses à partir de données fiscales très dispersées et d'autres documents. Marseille est moins bien informée que les autres agglomérations de Provence à cette époque-là. 25 000 habitants, 20 000 habitants, bon, hypothèse basse aussi 15 000. On a là une grande ville, certes, mais rien d'exceptionnel. C'est tout de même un poids lourd pour ce qui est de la Provence, un centre de gravité pour les densités urbaines à l'échelle de la Provence. Avec une rupture démographique traditionnelle à partir de 1347-1348, et on évalue sa population dans la deuxième moitié du XIVe siècle à 10 000 habitants, mais dans un contexte de dépression démographique, une relative stabilité de cette unité urbaine, c'est un signe très positif. Hein. Bon, là, on n'a pas le temps de s'attarder sur les réinterprétations des crises démographiques de cette période-là. Un territoire qui est étroit, hein, et qui le reste, qui est composé de terroirs difficiles à exploiter, où dominent les vignobles, où le problème de l'eau se pose de manière récurrente. En effet, Marseille, si la ville se signale par une autre spécificité, mais toujours dans ce cadre, c'est par l'incapacité à constituer un hinterland économique profond et une zone de développement et de rayonnement économique. Avec la rareté des possessions extérieures qui sont de toute façon éphémères, à l'époque communale, alors, pardon, c'est là. Voilà les possessions extérieures de la commune de Marseille jusqu'en 1257 et à partir des premières années du XIIIe siècle, avec des points rouges indifférenciés qui renvoient en fait à tout ce que la ville a pu posséder à un moment donné, ne serait-ce qu'une seule attestation. Donc en fait, la plupart sont des possessions extrêmement éphémères. Hein. C'est surtout dans les zones de Hyères et de Brégançon, dans les zones les plus orientales ici, qu'on a une permanence de la présence marseillaise, de la présence de la commune de la ville basse. Hein, je vais y revenir, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une présence marseillaise. Et puis des possessions proches. Avec la vallée du Rhône, hein, un verrouillage de forteresses entre Saint-Marcel, Roquevert, Saint-Julien également, ou encore Roquefort, hein, notre accès à la ville par le sud-est cette fois-ci. Quant à sa capacité d'attraction démographique, bah, elle semble faible. Mais c'est un domaine de recherche qui est en friche. Hein. Ça reste à faire, évaluer la capacité d'attraction de Marseille, ne serait-ce qu'en Provence, par une étude fine des patronymes à consonance géographique, par exemple. Hein, leur signification ne doit pas être, enfin, ça ne doit pas être utilisé de manière absolument systématique, mais enfin, c'est un indice. Hein, et puis d'autres éléments aussi. Avec des concurrences locales qui persistent par des agglomérations extrêmement modestes pour les débouchés de l'économie agricole, par exemple, avec Fréjus, hier, pour la pêche, hein, les petits ports, voire les salines, avec hier, Nice, Martigues, pour le 13e, enfin Martigues, j'utilise le terme actuel, l'appellation actuelle, pour le 13e siècle. Et puis Arles aussi, qui est un port de mer. Hein. Outre les ports languedociens et catalans, Montpellier surtout. Hein. Les ports liguriens, là on est à une échelle de concurrence plus importante, Gênes et Pise. Et enfin, limite de ce modèle, du fait de la dispersion du pouvoir politique. Hein. Élément que je vais aborder maintenant, qui se manifeste à la fois par des processus de partition topographique et d'incapacité de la ville à former une unité politique durant la période qui nous occupe, unité politique autonome. Mais auparavant, je ferai un bref excursus concernant la bibliographie que je vous ai transmise après ces quelques jalons généraux posés et qui a déjà circulé, je crois, ou qui est en train de... Je ne sais pas si les tirages ont été suffisants. Alors, cette bibliographie résulte d'un choix. Hein. Il ne s'agit pas de quelque chose qui pourrait être exhaustif, loin de là. Alors, j'ai indiqué tout d'abord ce qui avait été publié comme source, avec des catalogues aussi de sources, voire des registres. C'est un bon indice des centres d'intérêt de la recherche, bon, des instruments de travail sur lesquels je ne dirai rien pour les quatre premiers titres, mais on constate que pour les suivants, on a surtout, bien sûr, un intérêt qui s'est porté sur l'histoire politique, l'histoire institutionnelle, avec ce qui concerne la Commune, par exemple, les deux ouvrages de Crémieux et de Pernoud hein, pour l'édition des statuts de Marseille, et d'autres publications. Et le deuxième aspect, toujours dans le politique, c'est le pouvoir seigneurial. Mais là, c'est un travail qui est demeuré longtemps inachevé, avec le Regest, en partie donc édition de Gérard Ricard et Émile Isnard, acte concernant les vicomtes de Marseille. Qui n'a pas forcément généré des études sur la famille vicomtale. Hein. Il a fallu attendre le travail de Florian Mazel, publié en 2002 à partir d'une thèse soutenue en 2000, pour qu'on ait une histoire véritable des vicomtes de Marseille, hein, même si des jalons avaient été posés auparavant. Donc un hiatus notable. Et Saint-Victor, bien sûr, avec son cartulaire et puis des sources complémentaires, notamment par le père Amargier, hein, le chartrier de Saint-Victor, les activités commerciales et les notules du notaire Amalric, que j'évoquerai dans quelques instants. Et enfin, alors complété par le travail de John Prior sur la même source, qui reste en partie inédite, cependant, malgré la multiplicité des travaux d'édition sur ce registre de notaire. Et enfin, les philologues allemands qui ont abordé des livres de comptes, hein, vous en avez deux, sous un angle donc philologique plutôt qu'historique, parce que c'était du provençal avant tout. Donc, littérature de marchand, comptabilité, etc. Pour ce qui est des jalons historiographiques que je vous ai indiqués, hein, de Ruffy, Belzunce, jusqu'à Baratier, il y a simplement quelques titres. Je signalerai simplement que l'historiographie de Marseille, à l'époque moderne et contemporaine, mériterait une étude d'ensemble, même si des travaux ont pu être pratiqués de ci, de là. Alors les thèmes qui viennent ensuite pour le restant de la bibliographie, vous voyez, exploitent ces différentes orientations de recherche. L'évêque et le chapitre, les parents pauvres sans doute, mais comme pour toute la Provence, on a certes un certain nombre de travaux, mais aucune vue d'ensemble, aucun travail d'ensemble, malgré le Regest, et on a encore édition d'Albanès et continué par Ulysse Chevalier. L'histoire du chapitre cathédral de Marseille nous apprendrait beaucoup. Hein. Alors, j'ai apporté ma contribution récemment pour le XIIIe siècle, mais il faudrait poursuivre l'enquête. Il faut savoir que une intuition de l'un des historiens de la commune de Marseille, Victor Louis Bourilly, donc l'ouvrage est paru en 1926, était que l'émergence du pouvoir communal pouvait être reliée à ce qui se passait au sein du chapitre cathédral au sein du XIIe siècle. Donc cette piste, et notamment la prosopographie des chanoines, leurs origines évidemment urbaines, mais liées au milieu marchand, aux élites urbaines, devrait être approfondie, et c'est un point, leur culture juridique, c'est un point qui méritera des travaux ultérieurs. L'abbaye de Saint-Victor, avec la dimension patrimoniale et architecturale, avec le colloque de 2004 sur l'abbaye de Saint-Victor et le volume concernant les aspects monumentaux, sous la direction notamment de Michel Fixeau. La puissance seigneuriale de l'abbaye, qui a donné lieu, en fait, vous le voyez, à des travaux inédits, des travaux universitaires. Et puis l'histoire intellectuelle, avec l'étude de la bibliothèque de Saint-Victor, qui constitue, par Donatella Nebbia e della Guarda, de l'IRHT, qui constitue des avancées considérables, hein, et récentes sur ces points-là. Ce que j'ai appelé l'histoire politique. Alors, bon, je vais vite, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur cette bibliographie. Vous remarquerez que les autres ordres religieux sont assez peu documentés, bien que pour la période, enfin pour les ordres mendiants, des recherches plus récentes, notamment je pense à la thèse de Damien Ruiz, qui a été soutenue il y a quelque temps, mais qui reste encore inédite, à propos des franciscains, d'Hugues de Digne, des dames de Roubaix, etc., donc sur la spiritualité et son inscription dans la vie urbaine, seront tout à fait prometteurs. Hein. Bon, il faut leur laisser le temps de s'installer, si j'ose dire. Le travail de Giulio Cipollone aussi, à propos des Trinitaires, cet ordre de religieux rédempteurs qui rachètent les captifs en Méditerranée. Recherche tout à fait fondamentale et publications qui souvent ne sont pas exploitées à leur juste valeur. Je prendrai un exemple au sujet des Trinitaires. On leur doit la première représentation figurée d'un noir dans l'Occident médiéval. Hein. Ça figure à Rome, ça n'est pas à Marseille, malheureusement, si on peut dire. Et cette première figuration est extraordinaire, parce que c'est le Christ en pied, avec à sa droite un captif blanc et à sa gauche un captif noir, qu'il libère tous les deux. Hein. C'est tout à fait remarquable, cette première apparition de la figure du noir, hein, de l'Africain. C'est le thème de la libération, hein. Et il est sur le même plan que l'Européen, le Blanc, enfin, le Chrétien à l'époque. Alors, l'histoire politique d'une émancipation communale, Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça renvoie d'abord à une tradition historiographique locale qui est marquée par le libéralisme, celui du XIXe siècle, le libéralisme politique, et l'idée de la République urbaine marseillaise, hein, la libération, hein, de Marseille par certains Marseillais vis-à-vis du joug seigneurial, essentiellement ecclésiastique, donc quelquefois consonance anticléricale, mais pas systématiquement. Bon, avec le travail fondamental, le plus tardif, hein, l'un des plus tardifs, mais qui est un travail d'une très grande maturité, qui est toujours utilisé aujourd'hui, celui de Victor-Louis Bourgny, et qui n'a pas été dépassé sur beaucoup d'aspects, hein. Alors, à travers ces différents éléments, j'ai mentionné les orientations de la recherche à partir des sources écrites, si ce n'est pour Saint-Victor, mais les principaux renouvellements proviennent des archéologues et des bouleversements urbains de la ville, des bouleversements récents qui ont suscité des fouilles de sauvetage, de l'archéologie préventive. Alors vous avez une carte ici dressée par Marc Bouyron, qui fut un temps archéologue de la ville de Marseille et qui travaille désormais à Nice et qui reste toutefois actif au regard de la recherche sur le Marseille, pas seulement médiéval d'ailleurs. Alors vous avez là l'emprise des fouilles, hein, des opérations de fouilles. La carte date un peu. Donc il faudrait adjoindre des opérations autour de l'Hôtel Dieu, notamment, hein, plus récentes. Bon, vous avez ces emprises qui demeurent tout à fait limitées, hein. Alors là, bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez le parcours de l'enceinte médiévale ici, hein, qui reprend là le tracé de l'enceinte antique. Donc, y compris autour de bourgs, hein, de zones périphériques, essentiellement artisanales. Avec les deux grands recueils qui en tiennent compte, qui en rendent compte, pardon, pour le moment, il y en aura d'autres, que j'ai placés dans la rubrique développement de l'espace urbain, mais ça dépasse largement ces thématiques, dont sous la direction notamment de Marc Bouyron, hein, il y a deux recueils principaux, celui de 2001, celui de 2011, mais il y a également la synthèse sur les fouilles du faubourg de Sainte-Catherine, hein, qu'il faut leur adjoindre. Alors, évidemment, je cite ces ouvrages, il y en aurait d'autres, mais ils comportent des bibliographies extrêmement riches qui permettent de rebondir, donc, dans des recherches éventuelles autour de ces thématiques. Et puis le commerce. Le commerce, l'activité économique de Marseille, un port, son rayonnement, l'activité économique urbaine, c'est le nom que j'ai donné à cette rubrique, à partir d'une très grande richesse documentaire, j'y reviendrai. Hein. Toutefois, on remarquera la relative ancienneté de ce jalon, des différents jalons historiographiques, hein. C'est une traduction du relatif désintérêt dont a pâti l'histoire économique, hein, de manière générale pour la période médiévale, hein. Avec là principalement pourtant on dispose de synthèses précoces, hein, sur l'histoire du commerce de Marseille, hein, dont je vous ai mentionné les deux tomes. Donc Busquet, Pernoud et Baratier-Raynaud, hein, sous la direction de Rambert, Histoire du commerce de Marseille, qui sont des ouvrages exceptionnels, qui demeurent d'actualité, qui sont toujours utilisables, extrêmement bien documentés, qui ne se bornent pas seulement à la synthèse, mais qui disposent d'apparats critiques renvoyant aux sources de manière systématique. Quant à la navigation, au commerce maritime, eh bien, on ne dispose que d'un travail relativement récent, hein, une dizaine d'années quand même, la thèse de José-Valéry Murat, Navires et navigation à Marseille, qui demeure inédite. C'est un symptôme, hein, quand même, que Marseille n'ait pas trouvé à publier un travail de cette ampleur, hein, même s'il nécessite d'être réactualisé. Hein. Et puis des collègues italiens comme Enrica Salvatori, qui est pisane, qui a publié ce Boni Amici et Vicini, et Vicini, hein, sur les relations de Pise, à l'occurrence avec Marseille, mais pas seulement, et qui aujourd'hui travaille de plus en plus sur l'histoire institutionnelle, hein, et sur la commune au début du XIIIe siècle. Et son apport n'est pas du tout négligeable. Là aussi, c'est symptomatique, hein, l'université d'Aix-Marseille n'a pas su générer, au fond, une école de recherche centrée sur Marseille médiévale, ne serait-ce que sur les aspects politiques ou économiques. Et enfin, une rubrique que j'ai rassemblée sous le titre de structure sociale et représentation. J'insisterai ici sur trois aspects, hein. L'étude portant sur les familles marchandes, ou du moins sur les élites urbaines, hein, avec Christian Morel, le travail donc sur ces familles qui est demeurée inédite, c'était une thèse, qui est demeurée pardon inachevée, c'était une thèse qui n'a pas vu le jour. Hein. Des travaux portant aussi sur les favas, les communautés juives ensuite, donc on est au carrefour de l'histoire économique et sociale, l'histoire des spirites, du religieux, et pas de l'histoire culturelle, malheureusement, parce que les communautés juives de Marseille, parce qu'il y en avait deux, une dans la ville haute, une dans la ville basse, disposait dès la fin du XIIe siècle d'un rayonnement culturel considérable, hein. Une école talmudique avec des rabbins et des docteurs de la loi connus, renommés, mais les sources dont nous avons hérité sont pratiquement inexistantes. On ne connaît la communauté juive de Marseille, les communautés juives de Marseille qu'à travers les sources économiques et sociales, si je puis dire, hein. Et enfin, la justice, donc autre thème qui a connu un net renouvellement dans ces directions, autour des travaux de Daniel Smail, donc un examen de la culture juridique, le milieu des notaires, mais à partir d'une documentation judiciaire, des réflexions beaucoup plus larges, comme les représentations de l'espace et une réflexion sur le rôle de la justice au regard de la régulation sociale, hein. Donc ce sont des apports tout à fait neufs, hein, et extrêmement porteurs, même si les travaux de Daniel Smail restent extrêmement ponctuels, hein. Ce sont un travail à l'anglo-saxonne sur des coups de projecteur à partir d'une source précise ou d'un corpus limité. Alors j'aurais aimé dire quelques mots plus précis au sujet de l'érudition locale, autour de figures comme Charles-Jean Cotten ou Jean-Anselme Bernard Mortreuil, mais bon, on n'a pas le temps, pour en reparler à une autre occasion peut-être. Alors il me reste un quart d'heure environ, c'est bien ça, pendant lequel je vais un petit peu approfondir deux éléments qui recoupent en fait non seulement l'histoire de l'espace urbain, mais aussi l'histoire des structures politiques, avec une première question qui est celle du processus de partition, pardon, des pouvoirs seigneuriaux à Marseille. Un phénomène que Marseille partage avec d'autres grandes agglomérations du comté de Provence, comme Arles et Aix, mais qui prend une forme très particulière. Avec l'antinomie, si je puis dire, entre ville basse et ville haute, j'ai parlé de partition topographique, des pouvoirs seigneuriaux, pas forcément de l'espace urbain, donc dès le départ. Parce que pendant longtemps, on est parti du constat d'accords, de conventions qui marquent le XIIe siècle. Par exemple, l'accord de 1163, division de juridiction entre le chapitre cathédral et l'évêque au sein de la ville haute. Accord dans les années 1180 entre l'évêque et les vicomtes. Pour en induire immédiatement, voire accord de 1073 concernant les vicomtes, et qui parle de pars vicae comitalis, hein, par vicomtal de la ville. Donc on est parti de ces jalons pour en induire très précocement des phénomènes de partition spatiale, hein, donner une dimension spatiale à ce qui était en fait des négociations au regard des juridictions qui disposaient certes d'une dimension spatiale, mais où l'espace urbain n'était pas forcément l'élément principal. Il faut attendre l'accord de 1220 entre l'évêque et la commune de la ville basse pour obtenir un document qui, cette fois-ci, est concrètement une délimitation précise, rue par rue, voire bâtiment par bâtiment, de la ville haute et de la ville basse. On est toujours dans le partage de juridiction, mais ça revêt une dimension politique également, puisqu'on est dans une phase d'émergence et d'affirmation de la commune dans la ville basse et de conflit avec le seigneur de la ville haute, l'évêque. Alors là, on relie tout à fait ces processus qui, depuis le XIXe siècle, donc, avaient été interprétés de manière spatiale. Alors, j'ai parlé de la ville basse. Ben, c'est elle qui dispose du dynamisme économique. C'est là où se concentre le milieu des artisans, des commerçants, des changeurs, et elle est en contact avec le port, évidemment. Hein. Donc, c'est la rive nord. Hein, du vieux port, hein, le port du Marseille médiéval. Hein. Et la ville basse, donc, elle est le résultat, au fond, de la croissance d'un pôle autour du palais du Tolonnais, donc cette prolifération que j'ai mentionnée tout à l'heure, le palais vicomtal, probablement comtal puis vicomtal. Et puis un autre pôle, donc contrôlé plutôt par l'Église et le chapitre cathédral autour du château Babon, à la colline Saint-Laurent, donc un développement de la partie basse ici, dans le courant du XIe siècle, où on a des signes de lotissement, et au XIIe siècle aussi. Donc une densification du tissu urbain qui traduit cette croissance et ce dynamisme. C'est là, dans un premier temps, que s'est affirmée l'emprise de cette famille aristocratique qui émerge dans la deuxième moitié du Xe siècle et qui porte le titre vicomtal en indivision entre ses membres au XIe siècle, hein, la famille donc des vicomtes de Marseille, qui contrôle la ville basse et ses revenus économiques, hein, ses ressources économiques. La deuxième moitié du XIIe siècle voit un délitement progressif de cette famille vicomtale, hein, qui n'est plus représentée au début du XIIIe siècle que par des rameaux concurrents, dont le principal est entre les mains d'un personnage haut en couleur, hein, Roncelin, qui est le dernier héritier donc, de la branche, disons, que la seule branche qui réside encore à Marseille à cette époque-là de manière durable. Qui a d'abord été moine à Saint-Victor, abbé de Saint-Victor, et que la population est venue chercher donc au début des années 1190 pour lui demander de restaurer le titre vicomtal. Donc il est retourné à l'état laïque avant de revenir sur les injonctions du pape à l'état ecclésiastique, et il est mort en 1216. Alors, c'est dans la ville basse que s'affirme le pouvoir communal. Alors, pouvoir communal, c'est vite dit. On le connaît très peu, jusque dans les premières années du XIIIe siècle. Et la première mention de consul à Marseille, c'est celle-ci. C'est un acte qui est tiré du fonds des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Hein. C'est une belle charte donc, de confirmation, de donation. Et vous avez ici les souscriptions. Et alors, vous avez l'évêque ici, hein, Foulque, et puis quelques individus, Guillemus Méry, Pontius Isnardi, Guillaume Anselmi, Guillaume Vivaldi, Guillaume Catalanus, Marinus de Sala, et ils sont alors consules. Hein, c'est écrit là. Hein, c'est écrit un peu plus loin. Oui, c'est là. Hein, c'est un peu loin là, pour moi. Consules, ici. Hein, et puis d'autres individus. C'est la première fois, donc on est en 1178, c'est la première attestation de consul à Marseille. Donc une charte très célèbre. Mais alors qu'est-ce que c'est que le consul à cette époque-là? Il est probable, et là c'est une vision qui est ancienne, mais qui semble-t-il est valable, qu'il s'agit d'élites urbaines. Certes, vous avez reconnu des noms qui connaîtront un avenir radieux, comme ne serait-ce que dans la toponymie, hein, avec ce Vivaldi, hein, c'est les Vivaux, hein, ou les Anselmes, hein, autre grande famille des élites marseillaises, au moins au XIIIe et au XIVe siècle. Donc, les consuls, c'est l'entourage des vicomtes, très vraisemblablement au départ, hein, des probes hommes autour des vicomtes qui s'affirment à l'occasion du vide politique provoqué par le délitement du pouvoir vicomtal dans les premières années du XIIIe siècle. Il y a un vide politique, mais il y a aussi des occasions économiques. Il y a des pouvoirs, des droits seigneuriaux extrêmement divers, qui vont de la forteresse jusqu'au droit sur les ports, qui sont à vendre parce que la famille vicomtale a gagé des emprunts considérables, elle doit vendre, elle a hypothéqué, etc. Et qui achète? Eh bien, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le chapitre cathédral, ce sont ces familles. Ce sont ces familles urbaines, ça indique déjà leur niveau d'aisance économique. Entre les premières années du XIIIe siècle et les années 1220, on a un achat progressif des droits seigneuriaux des vicomtes par ces familles-là, qui vont constituer le cœur de la domination politique de la commune. Elle se structure, elle se construit comme pouvoir seigneurial, et ça veut dire politique, hein, à cette époque-là. Et sous une forme très particulière qu'a mise en évidence à l'occasion d'une communication récente à Montpellier, Enrica Salvatore, en réinterrogeant la structure de la confrérie du Saint-Esprit, qui rassemble ces élites urbaines, mais pas seulement à partir de 1212, et qui constitue un instrument du rachat de ces droits seigneuriaux. Hein. Alors, Enrica Salvatore a identifié la raison de la structure sous la forme de confrérie. Hein. Ça renvoie à des données juridiques et à des données idéologiques. Cette organisation est à même de proclamer ses achats au nom de l'utilitas, notamment, hein, du bien commun. Donc, cette forme confrérie s'y prête. Toutefois, elle n'explique pas la dévotion à l'égard du Saint-Esprit, hein, la forme que prend cette confrérie même, qui semble peut-être une préfiguration du rôle que joue le corps du Christ et la fête Dieu, les dévotions à l'égard du corps du Christ et tous les phénomènes de rassemblement autour de ce dernier. Au XIVe siècle, hein, c'est-à-dire un repère, un processus qui facilite les rassemblements, hein, le dépassement de la diversité et de l'unité, qui est donc un instrument idéologique, spirituel aussi, de construction politique. Hein. Bon, ça c'est quelque chose qui a été bien étudié, les confréries du Saint-Esprit, même si le dossier mériterait d'être réouvert. Et puis la ville haute. Hein. à côté de cette ville basse qui est un petit peu foisonnante. Ville haute, au XIVe siècle, on l'appelle ville des tours. Hein. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que ça renvoie à l'aspect monumental, au réseau des fortifications, etc. Est-ce que ça renvoie à un paysage urbain à la Toscane, avec des tours, des grandes familles, etc. On n'en sait trop rien. Une appellation comparable existe aussi à Marseille. Bon, il y aurait sans doute beaucoup à dire là-dessus, notamment le renvoi au patrimoine antique, enfin à l'héritage du patrimoine antique, enfin, et le rôle que cela a pu jouer. Donc une ville qui est beaucoup moins dynamique parce qu'elle est coupée des échanges. Dans les années 1340, certains documents qui sont peut-être difficiles à interpréter, enfin c'est peut-être la part de la rhétorique, évoqueront des phénomènes de dépeuplement hein, de cette partie-là, de ruines, etc., et de flux migratoires en direction de la ville basse. C'est la ville de l'évêque. La seigneurie épiscopale s'y construit à partir du moment où le pouvoir épiscopal se détache de l'emprise des vicomtes de Marseille, c'est-à-dire dans les années 1060 et 1070. Hein. Après 1073, les évêques de Marseille n'appartiennent plus à la famille des vicomtes, hein, donc ça c'est symptomatique. L'un des jalons importants de cette construction seigneuriale, c'est 1164, une confirmation impériale hein, de Frédéric Ier. Donc, bon, vous savez évidemment que la Provence fait partie du royaume de Bourgogne et de l'Empire germanique, qui achève de donner des instruments, disons, idéologiques, au moins, et surtout juridiques, de cette seigneurie, son emprise, l'énumération de ses droits, etc. 1163, c'est la division des juridictions avec le chapitre que j'ai évoqué tout à l'heure et la naissance dans cette ville haute d'une ville dite prévôtale ou de l'œuvre. Hein. Mais c'est une ville, disons, sur le plan judiciaire. Hein. Sinon, la seigneurie du chapitre est placée sous le dominium de l'évêque. Hein. Ça reste sous la domination seigneuriale de l'évêque de Marseille. À partir des années 1150, traduction monumentale de cette emprise pour l'évêque, avec les premières mentions de la Domus Episcopalis hein, sur la butte des Carmes. Bon, ça c'est une série de documents sur lesquels je passerai rapidement en conclusion. dans cette zone-là, hein, colline de Roquebarbe, plus précisément, pour employer la terminologie de l'époque, et puis des phénomènes aussi qui concernent le chapitre autour de la cathédrale, avec la construction ou la reconstruction de la maison du prévôt, et puis le chantier de la cathédrale elle-même, dédoublé à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle par Saint-Laurent, qui dépend du chapitre cathédral et qui, par bien des aspects, est un pendant de la cathédrale au regard du plan avec trois nefs, trois absides, notamment une petite cathédrale en réduction, si l'on peut dire. Hein. Donc là, je passe assez rapidement sur ces phénomènes. Alors le palais épiscopal, il n'en reste rien. Hein. Il a été détruit en 1524 pour des raisons donc, de défense de la ville, d'efficacité des défenses. Et on n'en connaît même pas l'emprise au sol, si je ne m'abuse. Alors, je voulais également développer deux points, mais j'en resterai là. La question du territoire de Marseille. Alors là, c'est un champ de recherche, hein, parce qu'on ne connaît pas grand-chose sur le territoire de Marseille, son occupation, etc. Vous voyez, l'emprise, la ville, hein, c'est peu de choses hein, par rapport à la commune de Marseille actuellement, hein, la ville médiévale. Un territoire qui traduit bien cette incapacité de la ville à générer un espace politique. Vous avez ici le pagus de Marseille, hein, au Haut Moyen-Âge. Donc, d'après le cartulaire de Saint-Victor, donc au Xe ou XIe siècle. Bon, ce pagus n'est pas délimité par ses limites en pointillés, hein, attention, ça c'est les limites diocésaines, mais par les localités qui peuvent en relever. Bon, vous voyez, ça ne recoupe pas forcément la limite diocésaine. L'aire de domination des vicomtes, ensuite, est-ce que ça a constitué une aire de domination de Marseille? Il n'en est rien. Hein. Une aire de domination seigneuriale, certes, pour le XIe siècle, relativement cohérente. Alors, vous avez là, je devrais les mettre en transparence, c'est tiré de Florian Mazel, les aires de domination de deux rameaux, hein, des deux rameaux principaux de la famille vicomtale, donc entre l'argent et. Pardon, et l'étang de Berre, hein, donc entre, au sud de l'Arc et de l'Argent, un vaste espace où cette domination n'est toutefois pas territoriale, n'est pas territorialisée, où elle est discontinue, dont vous trouverez dans certains manuels, livres, etc., des cartes de la vicomté de Marseille. C'est tout à fait absurde, hein. Ce sont des phénomènes de domination très discontinus et disputés. Est-ce cet espace marseillais l'aire de domination de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, carte tirée de l'atlas de Duby, de Scheimer, Baratier, etc., un atlas bien connu, hein, donc à laquelle il faudra adjoindre des annexes jusqu'en Catalogne et en Sardaigne, enfin, etc. Il n'en est rien, même au regard de l'unité, de l'uniformisation liturgique, des pratiques liturgiques ou des coutumes monastiques, on n'a pas forcément une unification. Hein. Donc c'est plutôt un conglomérat. Le diocèse de Marseille, ensuite, au XIVe siècle, ici, après une phase de consolidation, puisque entre 1255 et les dernières années du XIVe siècle, diverses conventions ont procédé à des délimitations au regard de l'évêque de Toulon ou de l'archevêque d'Aix, ici, pour le Val-de-Traître, notamment. Donc un diocèse qui, en fait, se consolide sous une forme territoriale qu'à une époque tardive. Hein, il est faux, d'ailleurs, de concevoir les diocèses comme des structures territoriales stables. On en fait même les héritiers des cités antiques, voire des peuples pré-romains. Aujourd'hui, on n'y croit plus du tout. Enfin, ça renvoie, bien sûr, à de la longue durée, mais enfin, c'est plus compliqué que cela. Bon, les possessions de Marseille, je les ai évoquées tout à l'heure, mais on a un lointain écho de ce que pouvait être la domination seigneuriale. En fait, l'aire de domination de Marseille ne fait que se rétrécir durant la période qui nous occupe. Le territoire de la ville, tel qu'il est délimité par une convention de 1294, vous le voyez ici, même si on change d'échelle, on saisit bien la rétractation, et même la viguerie de Marseille ne dépasse guère le territoire même de la ville de Marseille, hein. Viguerie au XIVe siècle, qui est une viguerie ville, comme Arles, comme Avignon, c'est-à-dire une viguerie où les localités secondaires, les castrats, sont inexistants, voire des dépendances, en fait, du centre principal, plutôt que des unités autonomes, hein. Bon, on pourrait parler aussi du paysage urbain à l'appui de l'archéologie. Là, on a beaucoup avancé et je signale aussi une thèse récente de Xavier Corré sur le port de Marseille. Elle est inédite, qui a renouvelé beaucoup d'éléments, ne serait-ce que le tracé du port, hein, que ici vous avez le tracé avant ces travaux. Et cette petite éminence, j'ai plus de pile, ah non, il est là, ici, on pense qu'elle n'existait pas, donc au XIIIe siècle. On l'efface des cartes les plus récentes, par exemple. Mais les travaux ont été tels au XIXe siècle que même le littoral doit être reconstitué, hein, par les archéologues, hein, bien évidemment. Bon. La fin de cette commune et l'unification de la ville sous les Angevins, je passe. Et sur la diversité sociale sur laquelle je voulais terminer de cette société urbaine. Je passe aussi. Bon, on pourra peut-être y revenir. Au fond, c'était beaucoup plus long que prévu ce que j'avais préparé, avec un examen des différentes familles où les origines de noblesse urbaine ou non se fondent dans une même unité oligarchique, favorisée par les réformes institutionnelles de la fin du XIVe siècle, en 1385, où cette ville qui, à partir de 1257-1262, avait perdu son autonomie communale au profit du pouvoir comtal, du comte de Provence, sous les Angevins, connaît un renouveau de cette même autonomie, mais sous la domination angevine, donc sous des formes diverses, dans le courant du XIVe, et c'est sanctionné notamment par la réforme de 1385, qui donne au fond plus de pouvoir encore à ces oligarchies urbaines. Et puis, j'ai mentionné les communautés juives. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire au regard donc, de leurs fonctions économiques. Ça a été particulièrement bien étudié en matière de change, de prêt à la consommation. Je pense au travail de Joseph Schatzmiller, hein, leur rôle économique en tant que stimulant de l'activité et des investissements, donc pour ce qu'on dirait aujourd'hui les petites entreprises, hein, l'artisanat. Et puis, le deuxième aspect concerne donc l'activité artisanale elle-même de cette même communauté juive, étudiée par Juliette Cibon, donc dans une thèse également récente, mais qui, elle, est parue sur la communauté juive au XIVe siècle, qui est parue aux éditions du CERF, notamment donc leur activité. On regarde l'artisanat du corail. Elle est venue nous présenter ces éléments il y a quelque temps ici. Et la non-spécialisation des Juifs dans des activités particulières. Le corail étant aussi pratiqué par des chrétiens. Hein, et les échanges, notamment de savoir-faire technique, étant très, très intenses entre les deux communautés. Hein. Donc là aussi, c'est une piste très intéressante qui renvoie à l'imbrication donc de ces deux univers qu'on a tendance à appréhender en termes religieux et juridiques, mais qui sont beaucoup plus proches, ne serait-ce que par la langue, hein, au moins celle des jurons hein, en provençal, que ce que l'on peut imaginer. Alors, vous voyez, cette présentation peut-être un petit peu rapide nous amène finalement à poser la question hein, d'un dynamisme économique, d'une diversité sociale presque inégalée en Provence, hein, une diversification, une société urbaine extrêmement diversifiée, avec des groupes plus ou moins équilibrés, où domine toutefois une oligarchie sur le plan politique et économique, rapportée au fait que Marseille n'a jamais exercé en Provence de fonctions éminentes. Elle n'a jamais été capitale de quoi que ce soit, hein. Ni à la tête d'un territoire spécifique, ni d'une circonscription quelconque, sauf à quelques moments extrêmement brefs, au XIVe siècle ou au XVe siècle, quelques mois seulement, Marseille sera capitale administrative de la Provence aux dépens d'Aix. Hein. Bon, voilà, donc beaucoup d'éléments à approfondir. Bon, si vous avez des questions, bon, on termine par ce document très connu et tant de fois cité du Livre Rouge, donc conservé aux archives municipales de Marseille, la première figuration en couleur des armes de la ville ici. Hein. Le blanc est passé, hein, parce que c'est à base d'argent, donc ça a noirci, et puis le bleu, lui, est resté. Hein. Alors, l'histoire de cet emblème est intéressante. Hein. La première figuration de l'écu à la croix, c'est sur l'écu de Saint-Victor, hein, du Saint-Martyr. Donc, sans doute, on a affaire là à une appropriation par la ville d'une emblématique donc religieuse, enfin, monastique, que les moines ont abandonné un temps au vicomte et qui est passé des vicomtes à la commune, hein, comme l'ont été les droits seigneuriaux au fond, hein, même cheminement. Bon, voilà, donc pour ces diverses présentations, merci de votre attention et puis si vous avez des questions. Personnellement, en tant que moderniste, j'ai...